bébé, je ne t'en veux pas. T'as fait ton choix avec ou sans moi. J'ai du mal à te comprendre, mais je sais le plus important. Tu es une femme, bien, écoute-moi bien. Je pourrais te parler jusqu'à demain. Touchant ta main, heureux comme un. Touchant ta main, heureux comme un gamin. Respectant les vraies femmes, pas d'amour pour les. Tu sais, mon cœur prend flamme. Besoin d'un extincteur avant l'extinction de mon cœur. J'ai du mal à contrôler mon amour. Parfois je me cours, je me trompe de route. Alors je fais des détours jusqu'à ce que je me retrouve. Que je te retrouve. L'amour est souffrance et la solitude est désespérance. Quelle différence, l'amour est bonheur. Mais ça dépend des heures. Je te vois, parfois tu pleures. Voilà, ça c'est pour les vraies femmes. Tu te reconnaîtras.